La science CQFD, Natacha Triou. Le 19 décembre, le vote de la loi immigration a provoqué l'indignation du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quel est le poids des migrations et leur nécessité en science ? Une grande majorité des présidents d'université a signé une pétition pour protester contre cette loi. Même les grandes écoles de commerce comme HEC ont bondi. S'il faut encore attendre les conclusions du Conseil constitutionnel début janvier pour voir si elle est maintenue, quelles seraient les conséquences pour le monde académique ? Et puisque la coopération internationale est l'ADN de la recherche, assiste-t-on au début d'une université non plus ouverte sur le monde, mais repliée sur elle-même ? Loi immigration, l'université sujette à caution. François Héran, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, et l'on vous doit, entre autres, l'ouvrage Immigration, le grand déni, paru au Seuil en mars dernier. En duplex des studios de France Bleu Nancy, Hélène Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Université de Lorraine, et nous sommes en ligne avec Fabienne Cazoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome, astrophysicienne et présidente de l'Observatoire de Paris, PSL. Merci à tous d'être avec nous en studio et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite à Science CQFD. Alors aujourd'hui, nous ne nous exprimerons pas sur l'ensemble de la loi immigration. Pour cela, je vous invite à écouter les autres émissions que France Culture a consacrées à ce sujet. Nous ne parlerons que du volet qui concerne les universités. Donc pourquoi ces mesures sont-elles jugées inacceptables pour France Université ? Que doivent la recherche française et les facultés aux échanges internationaux ? Et quels sont les bénéfices de l'immigration étudiante ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. Quelle est la part d'étudiants étrangers dans la société française ? La question est posée en 1961. Ils sont 25 000 étrangers venus des quatre coins du monde jusqu'en France pour faire ou compléter leurs études. 12 000 seulement sont de vrais étudiants. C'est d'eux que nous parlerons aujourd'hui. Certains viennent pour 2 ans, 3 ans, voire même 7 ans. Ce sont ceux qui suivent un cycle d'enseignement supérieur, médecine, droit, sciences politiques et économiques. Dans cette catégorie, les Vietnamiens, les Tunisiens, les Marocains, les Libanais sont les plus nombreux. D'autres viennent pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 ou 2 ans. Parmi ceux-là, les Allemands se comptent par milliers. Des bourses leur permettent quelquefois de travailler sans être constamment détournés par les problèmes matériels. En 1960, le gouvernement français a accordé 2000 bourses, soit 40 000 francs par mois, plus une indemnité de logement de 10 000 francs et le droit au restaurant et à la sécurité sociale universitaire. Voilà un extrait de l'émission « L'avenir est à vous » diffusée en 1961 sur la RTF. François Héran, comment a évolué la mobilité étudiante en France ? Qu'en est-il aujourd'hui ? La mobilité étudiante en France a fortement augmenté. Et d'ailleurs, il faut rappeler que dans l'ensemble du monde, de tous les courants migratoires, c'est la mobilité étudiantine qui a le plus progressé. Alors c'est le cas aussi en France, à un rythme moindre que dans le reste de l'Europe. Pour fixer les idées, nous avons maintenant parmi les étudiants 9-10% d'étrangers. Au niveau du master, ça passe à 13%. Et au niveau du doctorat, tenez-vous bien, c'est 38%. 38% d'étudiants étrangers au niveau du doctorat. Ce sont des chiffres que l'on retrouve. Alors, si vous prenez les grandes institutions de recherche, je me limiterai au CNRS, on a 18% de chercheurs étrangers au CNRS. Ce ne sont pas les immigrés. Hein, c'est-à-dire qu'on a uniquement des statistiques sur la nationalité des personnes. Les personnes nées à l'étranger qui seraient devenues françaises entre-temps, c'est-à-dire appartient aux immigrés. Les immigrés sont toutes les personnes nées à l'étranger et venues vivre en France, qu'elles aient acquis ou non la nationalité française. Là, on n'a pas de statistiques à proprement parler sur les immigrés, seulement sur les étrangers. Oui, ce que vous dites en effet, c'est que plus on monte dans le niveau d'études, plus la part d'étrangers augmente. Oui. Hélène Boulanger, vous aussi, à votre échelle, sur les 60 000 étudiants de l'Université de Lorraine, combien d'étudiants étrangers accueillez-vous chaque année ? C'est à peu près 10 000 étudiants étrangers, de nationalité étrangère, hein, pour reprendre la distinction qui a été opérée tout de suite par François Héran. Ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que souvent, la plupart du temps, les universités expriment cette donnée en pourcentage et rarement en nombre. Comme si le nombre faisait plus peur que le pourcentage. Ça, François Héran, ça, comment ça vous fait réagir? Oui, d'habitude, c'est l'inverse. Dans le débat sur l'immigration, on manipule les chiffres absolus et on oublie de donner les pourcentages. Mais enfin, c'est vrai que tout ça est objet de manipulation. Non, il y a une progression importante des étudiants. Il y a tout un débat aussi, ça c'est, qui est un peu dépassé maintenant, mais enfin, qui est de savoir, est-ce que les étudiants sont des immigrés? Alors, selon la convention internationale, hein, recommandée par l'ONU, on est immigré à partir du moment où on séjourne dans un autre pays que son pays de naissance pour une durée d'au moins un an. Donc, un étudiant qui est là pour une durée d'au moins un an et entre dans la statistique migratoire. C'est le cas, le ministère de l'Intérieur le compte comme tel. Eurostat, qui est le grand institut statistique de l'Union européenne, fait la même chose. Donc, les étudiants sont comptés parmi les immigrés. Mais peut-être avez-vous remarqué que certains députés à gauche, notamment, voudraient sortir les étudiants de la statistique des immigrés et pour pouvoir en quelque sorte diminuer le nombre de l'immigration. Ils considèrent que les étudiants ont vocation à repartir, ne sont pas de vrais immigrés. C'est un débat, mais actuellement, la norme internationale, c'est bien ça. Quelle que soit l'activité que vous avez, migration de travail, de famille, de refuge, de santé, que sais-je, et d'études, à partir du moment où le séjour dure au moins un an, vous êtes comptabilisé parmi les immigrés. Comme vous dites, la question qui se pose, c'est les étudiants sont-ils des immigrés comme les autres? Alors, il y a des immigrés, on a aussi des immigrés de retraite, par exemple. Le paysage de l'immigration, il est très diversifié. Il ne faut pas centrer l'immigration juste sur l'image du pauvre travailleur venu de loin pour remplir quelques boulots ingrats. La migration, c'est un paysage extrêmement diversifié. Ça irrigue toutes les facettes de la société, y compris, et dans de fortes proportions, la recherche et l'université. La recherche et l'université, Fabienne Cazoli, à l'Observatoire de Paris, qui a le statut d'université, quelle est la part de vos doctorants internationaux? C'est à peu près celle qui était mentionnée précédemment, c'est-à-dire de l'ordre du tiers, qui viennent en très grande partie en dehors de l'Union européenne. Donc c'est assez considérable. Et ce sont des pays très très variés. Ça peut être la Chine, mais ça peut être aussi le Bénin, l'Inde. Voilà, ils viennent un peu du monde entier. Ce qu'on peut dire également, Fabienne Cazoli, c'est qu'à l'image de tous les domaines de recherche, et peut-être encore plus que d'autres, l'astrophysique est une recherche qui dépend de collaborations internationales. Complètement. C'est même complètement inscrit dans notre façon de fonctionner. Toutes nos grandes infrastructures de recherche, tous nos grands télescopes, qu'ils soient au sol ou dans l'espace, ils se font en collaboration internationale. Alors, d'abord, c'est l'Europe, hein, avec l'Agence spatiale européenne, avec l'ESO, l'Observatoire européen austral, mais nous coopérons avec la NASA, le Japon, et il y a même des missions spatiales en coopération avec les Émirats arabes unis. Donc, c'est vraiment complètement intégré dans notre façon de fonctionner. Je mentionnerai aussi le grand radiotélescope qui est en cours de construction, le Square Kilometer Array, qui va se construire à la fois en Australie et en Afrique du Sud. Voilà, pour nous, c'est tellement intégré qu'on oublie d'en parler peut-être même. Et Jean-Dominique Cassini, qui a fondé l'Observatoire de Paris, était italien. François Héran, dans certaines disciplines, c'est même la moitié des étudiants qui sont étrangers. Oui, il y a certaines disciplines comme la chimie, la physique, enfin, où on peut dépasser ce nombre. Au Collège de France, où il y a à peu près un millier de personnes qui travaillent autour des 45-47 professeurs, les étudiants ou les doctorants étrangers ou les post-docs étrangers sont très nombreux. Dans certains laboratoires, réunissent plus de la moitié des effectifs. Et puis même au Collège de France, vous officiez la moitié des doctorants en biologie, il me semble, sont... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, alors certains professeurs peuvent eux-mêmes être des étrangers, être des binationaux. On a même eu des trinationaux à certains moments. Donc, la seule contrainte, c'est d'être capable d'enseigner en français. Mais on peut tout à fait être un étranger. Je fais remarquer d'ailleurs que depuis 1981-82, un étranger peut devenir fonctionnaire français en entrant dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Ça a commencé par les facultés de médecine, ça s'est étendu aux facultés de pharmacie, c'est étendu à l'ensemble de la recherche et de l'université. Et ça, souvent, on l'ignore. On peut être tout à fait un chercheur étranger tout en étant fonctionnaire de l'État français. Hélène Boulanger ? Oui. Bah, pour compléter ce qu'on vient d'entendre avec François Héron. Alors pour l'université de Lorraine, qui est une université frontalière, hein, à proximité du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne, on a des taux un peu plus importants que dans d'autres universités en France, ce qui est un peu logique du fait de cette position géographique, du fait aussi de l'histoire de la région. Donc nos doctorants, c'est en moyenne à peu près 50% d'étudiants de nationalité étrangère, et c'est plus particulièrement marqué dans des disciplines pour lesquelles on a des difficultés de recrutement qui sont réelles, une concurrence très accrue, notamment dans les sciences du numérique ou les sciences de l'ingénieur. Je pourrais même ajouter qu'il ne faut pas oublier que la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants français qui étudient à l'étranger. Et si vous prenez la plupart des pays voisins, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, etc., les Français viennent en tête des étudiants étrangers. Donc la France a cette particularité qu'elle attire des étudiants étrangers, mais qu'en même temps aussi elle exporte, si j'ose dire, des étudiants français à l'étranger, notamment dans les pays voisins. Alors généralement, au niveau mondial, c'est quand même à l'intérieur d'un même continent qui a le plus de déplacements d'étudiants. Mais au niveau mondial, les nationalités évidemment qui pèsent le plus sur la migration estudiantine, mais ça c'est dû au poids de leur pays, ce sont les Chinois et les Indiens qui représentent une partie très importante de la migration estudiantine à l'échelle mondiale. Hélène Boulanger, par rapport justement à la mobilité étudiante, donc on a 6,5 millions d'étudiants qui sont mobilités dans le monde entier, mais les années Covid ont aussi énormément perturbé ces mobilités internationales. Ça a été très compliqué pendant plusieurs années. Hein. Il y a certains pays d'Asie qui ont commencé à se réouvrir seulement il y a quelques mois. Donc la reprise des mobilités se fait petit à petit, pour ce que je peux en observer dans mon établissement en tout cas. On était sur une trajectoire de croissance assez régulière quand on regarde les choses de manière assez globale, qui va bien avec l'augmentation du nombre d'étudiants dans le monde. Hein. De mémoire, mais François Héron le saura sans doute beaucoup mieux que moi, on a plus que doublé les effectifs étudiants dans le monde entier depuis le début de ce siècle. Donc il était tout à fait logique que les mobilités s'accroissent aussi progressivement. Elles l'ont fait. La période Covid a effectivement mis un coup d'arrêt. On a commencé à développer d'autres formes de mobilité complémentaires. Les mobilités physiques, celles qui permettent à nos étudiants de partir, ce qui nous permet d'accueillir des étudiants en provenance d'autres universités, d'autres pays dans le monde, elle est revenue à peu près à son niveau normal, je dirais, l'année universitaire dernière. François Héron. Alors, il faut rappeler que, c'est vrai, il y a une augmentation tendancielle du nombre d'étudiants en mobilité internationale. Mais il y a eu aussi d'autres périodes, on a un peu oublié, où la France était absolument pionnière dans l'accueil des étudiants étrangers, notamment à la fin du 19e siècle. Lorsque, par exemple, les Juifs dans tous les pays d'Europe centrale, dans le monde slave, notamment en Russie, ne pouvaient pas aller à l'université, eh bien ils venaient en France. Ou lorsque les femmes étaient bannies de l'université dans beaucoup de pays européens, c'est à Paris qu'elles pouvaient venir. Et Marie Curie n'est qu'un exemple parmi bien d'autres de cette ouverture que la France a réalisée. Donc il y a eu une époque, et ça a été étudié assez récemment, où l'université de Paris comprenait une proportion d'étrangers, mais supérieure à ce qu'on avait observé au XXe siècle, dans les années 50 ou 60. Donc il y a une vieille tradition aussi, dont on parle peu, qu'il ne faut pas oublier, et qui mérite d'être rappelée. Cette vieille tradition, elle me fait aussi écho à cet archive qu'on vient d'entendre en début d'émission, où on entendait aussi parler de vrais étudiants, avec cette problématique des faux étudiants. Ça aussi, c'est quelque chose de très ancien en France. Alors, c'est une histoire un petit peu datée, mais on écoutera la présidente de l'Université de Lorraine s'exprimer. Moi, je suis un peu choqué là-dessus. J'enseigne en Master 2. Franchement, je ne vois aucune différence de comportement entre les étudiants étrangers et les étudiants français. J'ai d'ailleurs du mal à faire la distinction entre les deux catégories, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Il y a aussi des catégories mixtes. Et en fait, je sais pas, peut-être que je peux me permettre d'être un peu facétieux ou sarcastique, mais si on regarde les biographies des députés ou des sénateurs, quel est le nombre de ceux qui ont été inscrits dans un certain nombre d'universités ou d'institutions comme Sciences Po et n'ont jamais passé le diplôme parce qu'ils se sont engagés très tôt dans la carrière politique. On pense à Nicolas Sarkozy qui n'a jamais eu le diplôme de Sciences Po, mais ce serait très intéressant de savoir si ces braves gens ont pris leurs études au sérieux ou l'ont utilisé comme point d'appui syndical ou politique pour faire autre chose. Non, je crois que là, lorsque le sénateur Carucci, c'est à lui qu'on doit cette initiative, le sénateur Carucci. Du groupe Les Républicains, pardon. Du groupe Les Républicains des Hauts-de-Seine, a dit, mais un grand nombre, je cite, un grand nombre de présidents d'université m'ont expliqué que les étudiants sont de faux étudiants. J'ai beaucoup de doutes sur la réalité, sur la véracité de ce témoignage. Et je pense que quand on a l'expérience actuelle du comportement des étudiants, c'est pas du tout ce qu'on observe. Les étudiants ont intérêt à passer leur diplôme. Je ne vois pas pourquoi ils entreraient en France, essaieraient d'acquérir un statut d'étudiant pour ensuite entrer tout de suite dans une activité professionnelle, alors qu'avec un diplôme, ils peuvent espérer bien plus. Donc j'ai beaucoup de doutes sur... ce sera désormais aux universités, si j'ai bien compris, de délivrer le certificat de sérieux et d'assiduité des études. Et voilà, contre le témoignage de Roger Carucci, il y a aussi donc ces 85% des présidents d'université qui ont signé un communiqué pour dénoncer cette loi. Voilà, je voulais qu'on commence cette émission de façon avec un discours assez factuel sur l'immigration. Maintenant, on va pouvoir ausculter cette loi, ses conséquences, que prévoit-elle et pourquoi justement les universitaires s'y opposent. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux. Direct sur France Culture, nous parlons de la loi immigration, de ses effets sur le monde universitaire avec Hélène Boulanger, Fabienne Cassoli, François Errant. Nous venons de voir que la France a accueilli en 2022-2023 plus de 400 000 étudiants internationaux. Maintenant, venons-en un peu aux faits. Hélène Boulanger, que prévoit la loi? Quelles sont les nouvelles conditions pour les étudiants étrangers qui sont envisagées dans ce texte? Il est difficile de commenter un texte dont on attend visiblement très impatiemment l'examen par le Conseil constitutionnel, dont on peut espérer aussi que certaines mesures pourraient être modifiées via les éléments d'application. Mais en tout cas, il y a plusieurs éléments contenus dans le texte qui provoquent chez moi énormément de colère. Les premiers éléments, c'est ce qui porte atteinte à des principes fondamentaux de la République, comme le droit du sol ou l'égalité devant les services publics. Ça, c'est une première chose. Et puis, à ce qui vise plus spécifiquement les universités, mais les universités ne sont pas hors de la société, c'est-à-dire tout ce qui va affecter nos étudiants de nationalité étrangère ou nos personnels de nationalité étrangère, on le perçoit comme étant quelque chose venant entraver la marche et le développement de nos établissements. Alors, on a beaucoup parlé de la caution retour, qui est un peu une mesure si vous me demandez de l'expliquer, je vais avoir du mal parce que je ne comprends pas très bien la logique de tout cela. Mais bon, une caution qui permet justement par un dépôt d'argent de vérifier que l'étudiant qui est entré sur le sol français va bien ressortir et il récupère sa caution. Un petit peu sur le même principe que la location d'une trottinette quand vous louez une trottinette. Ce qui est le parallèle est... dit beaucoup de ce que je pense sur le fond de cette mesure, la généralisation des droits différenciés qui existent dans la loi française aujourd'hui, des droits qui sont plus importants pour les étudiants qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne que pour les étudiants qui viennent de l'intérieur de l'Union européenne. Cette généralisation, elle nous pose beaucoup de difficultés puisque nous avons encore aujourd'hui la possibilité de pratiquer une politique d'exonération différenciée par établissement en phase avec nos stratégies et nos politiques d'attractivité. Il est question de quotas, d'accès aux aides sociales aussi. Il est question d'un certain nombre de mesures qui peuvent affecter donc durablement à la fois les étudiantes, les étudiants et les personnels de nationalité étrangère. Fabienne Cassoli, sur le contenu de cette loi. Je vais parler essentiellement de ce qui concerne effectivement l'université et la recherche. Et je dois dire que c'est tombé comme une, vraiment un coup de canon. Vraiment, quand on essaye de développer l'attractivité internationale, nous avons ouvert en 2020, c'était pas la bonne année, un master entièrement en anglais, en astrophysique, en M1. C'était pas la bonne année à cause du Covid. Hein. Donc, avec une majorité d'étudiants internationaux, et on se retrouve avec cette loi qui propose, je crois que la pire mesure, c'est cette histoire de caution retour. Et avec le deuxième épisode qui est, on vous la fixera à 10 euros ou 20 euros. Alors là, franchement, c'est... Mais c'est ce que, c'est qu'en effet, le montant de cette caution n'avait pas été déterminé. Elisabeth Borne a évoqué, en effet, 10 ou 20 euros de caution mercredi sur France Inter. Ah oui, non, mais franchement, imaginez, vous êtes un étudiant étranger, vous dites, allez, est-ce que je vais en France? Est-ce que je vais en Suisse? Alors, on lui explique, mais bon, il faudra que tu le mettes tu laisses une caution, effectivement, comme si c'était pour louer une trottinette. Mais ne t'inquiète pas, ça sera juste 10 ou 20 euros. Mais c'est invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, nous, à nos candidats étrangers? Et puis donc, bon, l'affaire des frais différenciés, qu'il faudrait expliquer plus en détail, mais qui fait vraiment une sélection par l'argent, il n'y a aucune question de conditions, de ressources. Ça, il s'agit uniquement des pays d'origine, de la nationalité, qui fait qu'on paye 16 ou 17 fois plus que les Français ou que les étudiants d'Union européenne. Ce sont des choses qui semblent aberrantes quand on les explique. Et puis, il y a la question aussi de nos personnels qui sont de nationalité étrangère. C'est vrai qu'on peut être chercheur, enseignant-chercheur, chercheuse à l'université, au CNRS, dans les organismes, en étant de nationalité étrangère. C'est parfois un peu compliqué, hein, parce que quand même, quand on veut se déplacer pour des colloques, il faut quand même faire toutes les formalités de visa, et quand on est de nationalité algérienne, c'est quand même parfois difficile. Mais là, on sent que ça va se durcir, comment on va faire pour les quotas, pour un monde qui est déjà complexe. Le président de la République, dans son discours sur la recherche, il y a une dizaine de jours, nous dit « simplifiez, c'est tout est entre vos mains ». Non, là on ne simplifie pas les choses, on les complexifie et surtout on se rend vraiment très peu attractif vis-à-vis de tous les autres pays étrangers. Ça va être très très difficile à expliquer. Moi je veux bien qu'on compte sur le Conseil constitutionnel pour cette affaire de caution. J'espère. Je ne suis pas sûre que ce soit une affaire réellement de conseil constitutionnel. C'est juste une affaire de bon sens. Sur l'attractivité, on va y venir dans quelques instants. Donc, ce texte de loi, pour résumer, introduit l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens, des quotas d'autorisation à l'installation en France, une fois les études achevées, et pour obtenir un visa, donc cette fameuse caution de retour à l'État qui leur sera restituée quand ils quitteront la France. Cette caution, elle est justifiée pour prendre en charge les frais d'expulsion en cas de séjour illégal en France. Ce qu'il faut rajouter, ce qu'on peut rappeler également, c'est que sous Édouard Philippe, il y a eu le programme Bienvenue en France en 2019, où les frais de scolarité ont explosé pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Oui, ils avaient explosé, ils avaient été multipliés par 10, quelque chose comme ça. Enfin, c'était une ampleur considérable. Les présidents d'université avaient refusé d'appliquer la mesure, qui avait déclenché un tollé. Et le Conseil constitutionnel, qui a été saisi, a expliqué que c'était contraire au principe de la gratuité, qui vaut aussi pour l'enseignement supérieur. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a quand même des frais d'inscription qui peuvent être justifiés par des investissements des établissements. Et le Conseil constitutionnel l'a prévu, mais sans dire quels seraient les montants en question. Donc on est un peu dans le flou. Après, il y a eu beaucoup d'études d'économistes sur la question des frais d'inscription, et le panorama il est assez compliqué. Vous avez des pays ou des universités extrêmement prestigieuses dans lesquelles les frais d'inscription élevés sont un signe de la qualité de l'université en question. Et donc attire paradoxalement, mais attire évidemment pas n'importe qui, les milieux les plus fortunés, qui ont les moyens, etc. Et donc une partie, effectivement, donc c'est un peu ce modèle-là peut-être aussi qui semble être en vue dans la réforme qu'on a eue. Pour avoir des étudiants de très très grande qualité, on va éliminer les pays du Sud, parce qu'en fait c'est ça qui est dit sans que ce soit dit. Hein. Et on va essayer d'imiter ce qui se passe dans certains grands pays étrangers. Mais en même temps, toutes les études économiques qui ont été faites sur les effets sociaux de ces tarifs montrent que, à moins que ce ne soit corrigé par un système de bourse vraiment efficace, ce qui arrive, hein, de ce qui se produit dans certains pays, ça creuse les différences sociales. Et donc, les probabilités d'accès à ces très bonnes universités étrangères ultra-cotées sont évidemment très très liées au montant des frais. Hélène Boulanger, par rapport justement à ce programme Bienvenue en France de 2019, c'est un programme qui portait déjà en germe cette loi immigration. Oui, d'une certaine manière. Enfin, la question est abordée complètement différemment. Mon établissement applique les droits différenciés depuis plusieurs années maintenant. Donc on en a une lecture qui est un peu rendue difficile du fait de la pandémie de Covid-19 et des perturbations qu'elle a introduites sur les mobilités étudiantes. Mais en même temps que nous appliquons ces droits différenciés, nous avons aussi une politique d'exonération. Nous allons aussi loin que possible dans nos possibilités d'exonération en visant par exemple notamment les pays de la francophonie. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué encore jusqu'à présent, mais qui est quand même pas tout à fait neutre non plus. Donc les pays de la francophonie ou les pays où le revenu moyen par habitant est le plus faible. Donc on arrive à avoir une politique d'exonération qui est orientée pour une part sur les priorités scientifiques de l'établissement et pour une autre part pour assurer la fonction d'accueil qui est celle des universités de la meilleure manière possible. Fabienne Casoli. Nous n'appliquons pas ces droits différenciés. Je pense que si on l'applique, il faut absolument avoir une possibilité d'exonération ou de bourse qui n'est absolument pas prévue par la loi telle qu'elle est. Je pense que c'est juste un facteur de confusion supplémentaire. C'est pas ça qui va nous rendre plus attractifs, en tout cas, c'est sûr. Mais sur cette question de l'attractivité, ce que dit justement ce texte que vous avez écrit, Hélène Boulanger pour France Université, c'est que si on dissuade les étudiants étrangers de venir en France, les effets seraient donc très négatifs. Et il y a donc aussi eu les grandes écoles comme HEC Paris, l'ESSEC, le SCP, qui dénoncent aussi ces mesures. François Héran, dans quelle mesure justement cette loi menace gravement notre compétitivité internationale ? On a des expériences qui ont déjà été étudiées en Suède, au Danemark, etc., où la brusque montée des frais d'inscription a abouti à réduire le nombre d'étudiants et donc à limiter la place de ces pays dans le marché mondial des études universitaires, si je puis dire. Donc oui, incontestablement, ça risque de tarir un certain nombre de flux d'étudiants, pas seulement d'ailleurs des pays du Sud, mais effectivement, et puis l'effet psychologique est assez désastreux, ce que l'on disait, même si la caution est ramenée à 20 euros, l'effet n'est pas très heureux. Donc ça c'est tout le problème, on est assez peu attractif en réalité, parce que quand on regarde notre situation, notre attractivité vis-à-vis des étudiants dans l'ensemble du monde, on est quand même très loin des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Nous attirons effectivement des étudiants de la francophonie. Et là, il y a un problème qui se pose d'ailleurs, parce qu'on a ces grandes institutions que sont la francophonie, que sont France Campus, qui ont dans leur mission une volonté de contribuer à la politique d'influence de la France. C'est l'expression utilisée, c'est l'héritage de la politique de grandeur du général de Gaulle, c'est une autre façon de le formuler. Mais alors, si la francophonie, ça consiste à faire en sorte que les étudiants parlant français, parce qu'ils viennent de nos anciennes colonies, ne puissent pas venir parler français en France, je ne sais plus à quoi sert la francophonie. Et à un certain moment, d'ailleurs, on a enjoint à ces institutions de réfléchir au fait que les cours de français pourraient être faits à distance. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent chez nous. Tout ça, c'est complètement contradictoire. Et à aucun moment, d'ailleurs, dans le débat sénatorial que j'ai lu in extenso, il n'est venu à l'esprit des sénateurs que tout ceci pourrait aller complètement à l'encontre de la politique d'influence dite francophone, de la francophonie. De même, lorsque France Campus, ou je ne sais jamais si on dit Campus France ou France Campus, mais lorsque cette agence fait une publicité considérable pour attirer les étudiants du monde entier, pour expliquer que nous avons des formations en anglais, pas seulement dans les écoles de commerce, pas seulement dans les sciences les plus dures, mais à tous les niveaux, eh bien ça a marché. Il y a eu une augmentation du nombre des étudiants étrangers, y compris dans les formations anglophones. La France est ouverte de ce point de vue-là. Là encore, tout cet effort, finalement, sera fait en vain, puisqu'il suffira d'un revers de main de le réduire à néant. Et j'ai été très très frappé là encore de voir que, sauf évidemment quelques opposants qui ont soulevé la question dans les débats, les auteurs de ces modifications n'avaient absolument pas imaginé les effets que ça pouvait avoir sur l'attractivité de la France dans le monde francophone d'une part et puis dans le monde anglophone de l'autre. Le président de la République a exprimé son souhait que la France reste une grande nation scientifique. Cette loi est-elle compatible avec cette ambition? On répond à cette question dans quelques instants. Jessie Maline, Immigration Boots, en direct sur France Culture, car nous parlons de la loi immigration et de ses conséquences pour l'enseignement supérieur et la recherche. On en parle avec nos trois invités du jour. Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine, Fabienne Casoli, astronome, astrophysicienne et présidente de l'Observatoire de Paris, et François Héran, sociologue, anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société. Nous venons de voir que le monde académique dans son ensemble s'oppose à cette loi. Comment ces mesures peuvent être discriminatoires envers des étudiants étrangers? Cette loi va impliquer des conséquences délétères qui vont se traduire nécessairement dans le travail des jeunes chercheurs et doctorants. On en parle avec vous, Céline Lausanne. Bonjour. Bonjour, Natacha. Vous avez pu entendre le témoignage d'une jeune chercheuse d'origine libanaise qui a déjà subi, avant le vote de cette loi, les difficultés au long de son parcours. Oui, elle s'appelle Maria Ekal et je l'ai contactée car elle a fait ses études en France après une scolarité au Liban. Elle a ensuite mené sa thèse en biologie moléculaire à l'hôpital Gustave Roussy qui, il faut le noter, est un centre d'excellence en cancérologie et donc sous la direction du docteur Clara Namias, elle a étudié une protéine nommée ATIP3 dans le cadre d'une thérapie contre les cancers du sein agressif. Des travaux très prometteurs mais qui ont été entravés par des obstacles administratifs en raison de sa nationalité. Pour autant, et malgré la loi, elle tient à encourager les jeunes chercheurs étrangers à venir en France, qui reste selon elle une chance en termes de carrière. Les difficultés, je dirais, c'est surtout les délais. Les délais administratifs, en fait, on nous donne un titre de séjour qui est équivalent au contrat qu'on a. Donc, par exemple, moi, j'avais 3 ans de thèse au début et du coup, j'ai eu un titre de séjour qui était de 3 ans. Et ensuite, il fallait que je renouvelle une 4e année de thèse. Et du coup, le délai qu'on a pour renouveler le titre de séjour est assez court et la préfecture traîne énormément. Et du coup, ça nous contraint aussi à rester pendant quelques semaines, voire 2 mois sans titre de séjour. Et ça, c'est un peu compliqué pour renouveler le contrat. Du coup, on est sous contrainte d'avoir des mois qui ne sont pas payés, par exemple, ou... Par exemple, là, j'ai raté un congrès en décembre parce que justement, j'ai pas eu mes papiers à temps. Par rapport à cette loi concernant l'immigration qui a été votée, quel est votre sentiment, votre réaction, vous, en tant que doctorante diplômée ? Alors, moi, je pense que ça nous concerne. Enfin, moi, personnellement, ça me concerne pas vraiment parce que je suis déjà là. Mais je pense que c'est un peu injuste vis-à-vis des étudiants qui voudraient venir éventuellement, parce que ils demandent une caution de ce que j'ai pu comprendre. Ça y était pas avant. Ils demandent aussi de justifier que les études soient sérieuses. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas vraiment comment ça va s'appliquer, mais beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent en France sont dans une précarité telle, c'est pour ça justement qu'ils viennent ici, parce que ça va leur ouvrir des portes par la suite et leur infliger, entre guillemets, une caution à payer dès leur arrivée, je ne sais pas. Voilà. Après, on sait que pendant des années de recherche, c'est vraiment, ça prend énormément de temps pour pouvoir sortir un message. Enfin, c'est très compliqué et très long. Et du coup, si on nous contraint déjà à 2 ans, il va falloir sortir un papier. ça devient compliqué, ouais. Ça devient compliqué. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mécompréhension des mécanismes même de la recherche en tant que processus sur le long terme, que c'est un travail international où les équipes s'entremêlent, les expertises convergent, et qu'il y a besoin de cette émulation avec beaucoup de circulation des savoirs par le fait d'intégrer des étudiants et des chercheurs d'origine étrangère. Bien sûr, mais même quand on regarde, les plus grandes avancées dans la recherche viennent de plusieurs labos différents, dans plusieurs pays différents, parce que ce que l'on fait en France, c'est pas la même chose qui est faite aux États-Unis. Et par exemple, pour pouvoir prouver un concept ou un nouveau médicament, il faut que ça marche à la fois chez nous, à la fois chez les autres. Il faut ouvrir la recherche. On est beaucoup trop fermé, je trouve, en France, sur la recherche. Il faut monter des collaborations avec d'autres pays. Et du coup, pour ça, il faut qu'il y ait des étrangers à la fois ici et il faut qu'il y ait des étrangers ailleurs. Enfin, il faut qu'il y ait des communications entre les différents labos de différents pays. Et il faut absolument s'accrocher, mais ça vaut le coup parce que même si on n'a pas énormément de moyens ici, même avec les contraintes qu'on va nous imposer de plus en plus, ça vaut le coup. Et en plus, on sait qu'on manque énormément de personnel. Je ne sais pas d'où va venir ce personnel, du coup, mais c'est important quand même de faire les démarches et de venir travailler ici ou même ailleurs. Mais la personne qui vient d'ailleurs et qui a fait ses études différemment peut avoir un point de vue qui est quand même différent. La recherche a besoin des points de vue un peu différents, de gens qui sont différents. Donc c'est important d'avoir de la diversité en fait dans la recherche. Merci pour ce témoignage. Fabienne Casoli, comment vous font réagir ces mots ? Très poignant ce témoignage. Hein. Je pense à cette doctorante qui a dû attendre 2 mois le renouvellement de son titre de séjour avant de continuer sa thèse. Et ça me fait penser que tous ces sous-entendus sur le manque possible d'assiduité, de sérieux des étudiants étrangers, mais c'est vraiment choquant. Alors qu'ils sont soumis à une pression folle, les doctorants. les étudiants en général, mais les doctorants, leur rajouter ça et puis cette espèce de doute sur le sérieux de leurs études, je trouve ça vraiment dommage. Sur tout ce qu'apportent les étudiants et les collaborations étrangères, je ne peux qu'être d'accord. Et sur le fait aussi que c'est ainsi qu'on se crée les réseaux qui nous permettront, nous aussi, d'aller travailler à l'étranger, passer du temps à l'étranger, et puis s'ouvrir à la diversité. On a vu aussi, nous, quand on a commencé à accueillir des étudiants de master, en master, qui venaient, qui avaient fait des études internationales, pas en France, ni même dans des pays européens, ils avaient d'autres modes, ils avaient d'autres attentes qui nous ont un peu bousculés sur la pédagogie, sur la façon de faire des cours, ou plutôt de ne pas faire trop de cours, mais de faire plus de travail en labo. Mais c'était vraiment super intéressant. Ça a secoué un petit peu hein, les enseignants-chercheurs, mais ça nous a obligés à nous remettre en cause, et je crois que nos étudiants, en tout cas français, ils sont très contents qu'on ait remis en cause nos méthodes d'enseignement. Donc sur tout ce qu'apporte la diversité, et la diversité, ça n'est pas que les pays de l'Union européenne. Il faut sortir un petit peu. C'est bien l'Union européenne, mais il faut avoir un apport de pays hors Union européenne. Voilà, donc ce témoignage me paraissait très complet de ce point de vue-là. Hélène Boulanger, vous aussi, votre réaction à l'écoute de ce témoignage. Oui, même réaction. Hein. Ça dit beaucoup de l'importance de l'expérience internationale, finalement, dans la diversité dont on a besoin dans les universités pour produire de nouvelles connaissances et les partager, parce qu'on nous présente souvent ces derniers temps comme des organismes de formation professionnelle, mais notre fonction première, c'est bien la production et le partage de nouvelles connaissances. Hein. Et pour le faire, on a besoin de richesse, de variété, de diversité, parce que c'est en mettant en résonance cette diversité parmi les étudiants, parmi les chercheurs, que l'on se donne les moyens finalement de faire avancer et progresser la connaissance. C'est une condition sine qua non pour moi, pour d'existence ou de développement des universités dans leurs différentes missions. Vraiment une condition sine qua non. Et ce que cette doctorante a dit est très juste à ce titre-là. François Héran. Écoutez, ces deux interventions sont extrêmement éloquentes et pertinentes. Et du coup, évidemment, c'est la nécessité de faire une recherche à l'échelle internationale avec une circulation des intelligences, des expériences, des échanges de pratiques. Ça avait été souligné dans les débats, ça a été balayé. Ça a été balayé par des gens qui, en réalité, n'ont absolument aucune idée de comment la recherche fonctionne. Ce qui était très frappant quand on regardait les débats, c'était la désinvolture avec laquelle tout ça a été fait, parce qu'il y avait une obsession et une seule: il y a trop d'étrangers, il y a trop d'étudiants, diminuons leur nombre, point. C'était l'obsession, l'idée fixe qui a guidé tout ça. Et donc les intérêts de la recherche sont passés complètement derrière. Vous voulez dire que l'immigration telle qu'elle est abordée par les discours politiques ne correspond en rien à la réalité des pratiques? Alors ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement... quand on prend la peine de faire une étude comparative des flux migratoires, des populations immigrées, de l'ampleur des populations immigrées qui vivent dans tous les pays européens, etc., ça ruine complètement toute une série de discours qui ont motivé profondément la loi immigration. L'idée, par exemple, que nous avons une protection sociale beaucoup trop généreuse, qui attire plus qu'à notre tour tous les étrangers, y compris les étudiants, les familles, etc., et qu'il faut donc du coup, réduire tous les dispositifs. Ça peut être l'aide, l'ADA, l'allocation pour demandeur d'asile, ça peut être l'aide médicale d'État, malgré tout ce que les médecins ont pu écrire dans différentes tribunes, ça peut être le droit du sol, ça peut être l'accès au logement social, etc. Et on a raconté que l'ensemble de ces dispositifs faisait de la France un pays hyper attractif, qui en faisait finalement le premier pays d'Europe par l'ampleur de l'immigration. Vous regardez les chiffres et vous rapportez tous les flux à la richesse de différents pays, à la population de différents pays, et là vous rendez compte qu'il n'en est absolument rien. Que nous ne sommes pas du tout le pays le plus attractif pour la demande d'asile, nous ne sommes pas du tout le pays le plus attractif d'Europe pour les étudiants. Ça progresse vraiment chez nous, mais moins que la moyenne européenne, donc on est plutôt en retard. Et vous pourriez multiplier ainsi les exercices. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que la politique est un système de surenchère interne, de surenchère entre partis et de surenchère même à l'intérieur des fractions d'un même parti. Et du coup, cette surenchère interne fait qu'on ne regarde même pas les données, qu'on ne regarde l'étranger que pour aller chercher des mesures encore plus répressives que chez nous. Et donc cet enfermement intellectuel est extrêmement dommageable à la qualité du débat public sur l'immigration. Sur l'immigration étudiante, Hélène Boulanger, on l'a évoqué, la France décroche en matière d'attractivité internationale. Elle est déjà passée de 4e pays d'accueil d'étudiants internationaux à la 6e place mondiale en 10 ans, alors que le nombre d'étudiants en mobilité augmente par exemple en Allemagne. Oui, alors c'est juste. J'élargis un peu le propos hein, sur les questions de politique d'attractivité. Il est vrai que les arguments dont nous disposons sont pas forcément très faciles à utiliser vis-à-vis de l'extérieur. Hein. Moi, j'ai des chercheurs ou des doctorants qui partent à l'étranger parce qu'ils sont attirés par des conditions de travail ou par des salaires qui sont extrêmement avantageux. Alors même si on a fait quelques progrès récemment, on peut pas du tout s'aligner hein, sur cette sur cela. Et pour l'accueil des étudiants, les questions d'attractivité, ce sont les conditions que nous leur offrons et au premier rang desquelles, pour moi, la question de pouvoir leur proposer de réaliser leurs études dans une université qui est inclusive, en fait, dans sa manière de les accueillir, de les former, de faire société, finalement, avec eux, est une condition importante, mais non suffisante. La question d'attractivité, c'est l'image des universités françaises à l'extérieur, c'est la manière dont nous allons pouvoir donner à voir toutes les transformations que nous avons opérées ces dernières années et la manière dont nous allons aussi pouvoir promouvoir des manières d'apprendre ou des manières qui sont différentes de celles qu'on va trouver ailleurs dans le monde, mais qui peuvent constituer un facteur d'attractivité. En tout état de cause, mettre une caution façon location de trottinette à l'entrée sur le territoire français n'est certainement pas un des arguments qui va nous aider sur ce sujet-là. Fabienne Cazoli, cette loi intervient aussi dans un cadre un peu schizophrénique, puisque le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre le chiffre de 500 000 étudiants étrangers en 2027. Oui, on ne sait pas très bien si c'est le bon chemin pour y aller. Moi, je pense que non. Comme je vous l'ai dit, nous avons ouvert des enseignements à l'international en anglais avec des étudiants qui viennent de tous les pays du monde. Qu'est-ce qu'il va en être à la rentrée 2024 si cette loi n'est pas modifiée ? Je pense qu'ils ne viendront plus de tous ces pays-là. On a beau les accompagner, hein, comme le disait Hélène Boulanger, je pense qu'on les accompagne mieux, on les accueille mieux, on les aide plus à faire leurs démarches. Mais enfin, on est quand même très loin des standards internationaux. Hein. Et si en plus, on leur demande une petite caution de 10 à 20 euros, ça va sûrement les motiver. Non, franchement, c'est incompréhensible. Hein. François, en Grande-Bretagne, il y a eu un débat similaire parce que les étudiants prendraient trop de logements étudiants. Au Canada aussi, la France n'est donc pas la seule avec ce genre de récrimination. Mais toujours pour prendre un peu de perspective par rapport à nos voisins, comment ça se passe ailleurs ? Alors vous avez raison, effectivement, le Canada et la Grande-Bretagne qui sont des pays extrêmement accueillants vis-à-vis des étudiants étrangers, alors les étudiants du Commonwealth, du nouveau Commonwealth, de l'ancien Commonwealth, mais également des États-Unis, hein, il y a pas mal d'étudiants américains en Grande-Bretagne, sont aussi en proie à des débats qui sont complètement orthogonaux, enfin qui vont complètement à l'encontre de l'esprit d'ouverture qui anime les universités britanniques. Donc ce sont des débats extrêmement vifs, un peu assez analogues à ceux que nous avons chez nous, et l'idée c'est toujours la même. Il faut diminuer l'immigration. Donc, regardons un peu tous les courants migratoires, les uns après les autres. Ah ben, il y a trop d'étudiants, il y a trop de familles, il y a trop de réfugiés, il y a trop de... etc. Et on essaie de faire des coupes dans chacun de ces courants, sans être capable de répondre à une question toute simple. La migration augmente de 60% depuis 20 ans. Est-ce que notre pays sera le seul pays d'Europe qui arrivera à se soustraire à ce mouvement général? Je pense que c'est une très grande naïveté de le croire, et que ceux qui espèrent vendre ce programme à l'opinion publique sont des marchands d'illusions. Et ce phénomène, on le retrouve en Grande-Bretagne, bien sûr, comme on peut le retrouver dans d'autres pays. Pourquoi cette loi remet-elle en question le principe d'autonomie des universités, et quel est l'agenda de France Université sur ces questions? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Direct sur France Culture avec Hélène Boulanger, Fabienne Cassoli et François Héran. Nous parlons de la loi immigration et de ses conséquences sur le monde universitaire. Hélène Boulanger, vous avez rédigé un communiqué pour France Université le 20 décembre. C'est la première fois que vous avez saisi votre liberté de parole en qualité de présidente d'université. Et vous écrivez que cette loi reviendrait également à mettre en cause l'autonomie des universités quant à leur stratégie d'accueil et de rayonnement international. Je me permets juste de rectifier, c'est pas moi qui l'ai rédigé, je l'ai signé, mais je ne l'ai pas rédigé, ça doit être un de mes collègues. Oui, la question de l'autonomie, c'est la capacité justement à agir, à décider, à utiliser en fait des leviers qui nous permettent de servir la politique de nos établissements et développer leur politique d'attractivité, puisque je ne vais pas y revenir, mais je le redis quand même, l'expérience internationale, c'est un des fondements qui permet aux universités de se développer et d'assurer leur mission de service public. Donc c'est ce que nous souhaitons souligner, par exemple, dans l'incapacitation finalement des universités à développer des politiques d'exonération, on vient les priver de leur autonomie. Oui. Fabienne Cassoli. Exactement. En particulier sur cette question de exonération des droits différenciés. Donc, l'Observatoire de Paris a décidé de ne pas appliquer de droits différenciés. C'est notre choix. Nous voulons pouvoir attirer des étudiants de l'ensemble des pays du monde. Nous nous sommes posé la question. Maintenant, nous n'avons plus le choix, de toute façon. Et nous ne pouvons plus, si la loi est promulguée telle qu'elle est actuellement, nous ne pouvons plus décider d'exonération sur critères sociaux. Donc oui, l'autonomie des universités, bon, ça n'est pas la première fois qu'on se rend compte que l'autonomie des universités, c'est un mot qui est utilisé pour nous, disons, faire prendre des mesures que nous ne voudrions pas prendre. Alors, par rapport justement à la suite des aventures, entre guillemets, les dés ne sont pas joués. Hélène Boulanger, quel est l'agenda de France Université sur ces questions? Alors, France Université a eu un échange avec Madame la Ministre Sylvie Retailleau. Je souhaite ici quand même dire toute l'estime et le respect que j'ai pour elle. Je connais ses valeurs et je sais qu'elle est aussi attachée que nous à la promotion de cette expérience internationale dont je parlais tout à l'heure. Et je sais qu'elle se battra avec nous pour faire en sorte de que nous ne subissions pas les effets négatifs de ce texte voté dans les conditions que l'on connaît, c'est-à-dire avec une forme de bricolage à la va-vite tout à fait dommageable pour nos établissements. Donc la première étape, c'est le passage devant le Conseil constitutionnel, enfin l'examen de ce texte par le Conseil constitutionnel. Si j'ai bien compris, il y a un certain nombre de mesures dont certains estiment déjà à l'avance qu'elles ne sont pas constitutionnelles et devraient donc faire l'objet d'une censure par le dit Conseil constitutionnel. Et ensuite, avec nos collègues, en coopération et en échange avec le ministère et Sylvie Retailleau, nous avons bien l'intention de mettre toutes nos forces dans la bataille pour que nos établissements ne soient pas durablement entravés dans leur développement par des mesures prises à la va-vite. Et puis, il faut aussi dire, la ministre avait présenté mercredi sa démission à Emmanuel Macron, mais sa démission a été refusée. François Hérault, sur la suite. Écoutez, je ne suis pas devin. Enfin, j'avais un peu prédit quand même, parce que dans mon livre qui était sorti en mars et dont j'avais rendu le manuscrit en janvier, j'avais dit que, faute d'une majorité à droite et d'une majorité à gauche, il était à peu près inévitable que la loi se décide à droite toute. C'est absolument ce qui s'est passé. Et je crains que les correctifs apportés par le Conseil constitutionnel soient assez marginaux et que la bataille doive encore continuer par d'autres moyens. On va parler d'un tout autre sujet. Donc, quelques instants avec la chronique d'Alexandra Delbaume. Et pour prolonger l'écoute, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, François Héran, Immigration, le grand déni, aux éditions du Seuil. Merci Hélène Boulanger, merci Fabienne Cazoli et François Héran. C'est la chronique Avec Science avec Alexandra Delbaume qui poursuit cette semaine spéciale sur la mémoire, aujourd'hui la mémoire collective. Comment se construit la mémoire collective? Il faut le dire d'emblée, elle n'est pas la somme des mémoires individuelles. Les souvenirs que nous partageons ensemble ne retracent pas l'intégralité de l'histoire avec un grand H. Alors pourquoi? Pourquoi certains événements perdurent dans notre mémoire collective et d'autres non? Pour comprendre les caractéristiques de cette mémoire, il faut revenir à sa propre genèse. Cette notion a été créée par le sociologue et philosophe Maurice Halbach peu avant la Seconde Guerre mondiale. Denis Péchanski est historien et directeur de recherche au CNRS. Par opposition à toute l'école des psychologues, il est parti du principe qu'on ne peut pas penser la mémoire individuelle sans la ramener au collectif, sans penser les cadres sociaux de la mémoire, qui est le titre de son ouvrage de 1925. Lui-même va être arrêté et déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale et post-mortem, on va publier un livre à partir des travaux qu'il était en train de terminer et qui va s'appeler « La mémoire collective ». C'est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de société. Donc, si on prend tous les mots, représentation du passé, on voit bien là le contraste avec l'histoire qui est une analyse du passé. Sélective parce que pour l'individu, d'ailleurs, comme pour une société ou un groupe, on ne retient pas tout. Et cette sélection, elle répond à des critères assez simples, il faut que ça soit utile, il faut que ça ait un sens. Et en particulier que ça participe à la construction identitaire de cette société. Le sens que l'on donne à un événement le fait basculer ou non dans la mémoire collective, ce qui veut dire que certains sont tombés dans l'oubli. Et les exemples les plus prégnants de la perte de la mémoire collective concernent la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, comment expliquer que l'exode de 1940, qui a conduit à la fuite d'un quart de la population française, soit l'un des mouvements de population les plus importants du siècle, ait été passé sous silence alors que tout le monde en a été témoin? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de sens à donner. Il s'agissait de honte, de peur, de douleur. Pareil pour l'été 44. Les Américains bombardent la basse Normandie, 20 000 morts dans les civils français. Pourtant, là non plus, il n'y a aucun complot. Il est simplement impossible de rationaliser ces pertes humaines provoquées par des alliés. Et quand le sens est bien là, la mémoire n'est pas non plus immuable. Les souvenirs peuvent aussi être amenés à évoluer à force de les reconvoquer. Et c'est un enjeu de la recherche actuelle. Et au fur et à mesure, en fonction du contexte, ce ne sont pas les mêmes configurations mémorielles. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, Francis Eustache et moi-même, en travaillant sur la mémoire des événements du 13 novembre, avec une évolution qu'on suit chez les volontaires, mais aussi dans la société française, grâce à des sondages qui sont régulièrement effectués par le CREDOC. Et on voit comment évolue la représentation de ces attentats, quelle est sa place par rapport aux autres attentats et comment même la mémoire du 13 novembre évolue dans la référence au lieu de ces attentats. On oublie certains lieux du 13 novembre. Par exemple, dans nos études jusqu'au procès, on voyait une sorte d'effondrement des références aux terrasses et au Stade de France au profit du Bataclan et de Paris, comme réponse un peu floue, quand on leur demandait quels sont les lieux du 13 novembre. Le procès de ces attentats de novembre 2015 a ensuite fait réémerger ces lieux, notamment par le biais de la presse, qui s'est servi non pas de la mémoire collective, mais de témoignages, donc de mémoires individuelles. On perçoit l'intrication entre ces deux mémoires. Ces souvenirs, là aussi, sont traumatiques, parce que l'émotion joue un rôle important dans la mémorisation, qu'elle soit collective ou individuelle par ailleurs. Les exemples sont moins nombreux pour des événements heureux, mais tout le monde se souvient des Bleus en 98, même celles et ceux nés après cette victoire ont été imprégnés de ce moment sans même l'avoir vécu. Ils ont eu la chance de le vivre à nouveau 20 ans plus tard et participer cette fois véritablement à cette mémoire collective. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.